100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Et même le jour de Noël, c'est reparti pour la nocturne. 100% rap français juste après Difool. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez passé une belle journée de Noël avec vos proches. Et puis on va avoir une pensée aussi particulière pour tous les gens qui nous écoutent à l'hôpital, ceux qui sont un petit peu diminués en ce moment physiquement, mais qui vont reprendre des forces. Et puis tous ceux qui sont enfermés, qui nous écoutent enfermés avec le son de Skyrock, le son de la nocturne. On va vous régaler. Régaler, Fabuleux est là, au contrôle en ce 25 décembre, pour diffuser les classiques de la nocturne. Classic shit de la nocturne. Vous êtes prêts? Mettez bien fort. Préparez-vous à vous ambiancer. D'ailleurs, peut-être que des fêtes continuent un petit peu encore un peu partout. Donc n'hésitez pas avec le son de la nocturne. 100% rap français, 100% classique. Coup d'envoi maintenant. Planète Rap. 100% rap français. L'état avare représente les quartiers dissensus blancs, français navarre. Regard à gare sous pétard, on craque les nantis. Politiciens repartis, bande whisky gonzé, c'est reparti. On se prétend pas prof, donc on donne pas de leçons. Trageur de mots sans rémission sur des fonds qui sont. Ici les jours passent, rien ne change. Dans les alentours, coup d'entend, mec, parti pour des allées sans retour. Tout ça tiré ou presque par le bise, lui a ses fesses sexe. Ici et là, ça rafle des tiroirs, qu'est-ce quoi? Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Force de faire miroiter, on veut juste ce qu'on voit. Le convoi, la balle, Brinks, alimente mes rêves des dizaines de fois. Croire que ça rapporte plus que le respect de la loi. Les gens honnêtes se crèvent la santé à honnête. Les tailles de loin, le plus grand proxénète. Bombise propre et net, faut tenir le coup, serrer les coudes, ne serait-ce que pour nos parents. Question point d'attente. En France, chaque jeune se défend ce qu'il a. Marie Curie charme, chacun fronce les sourcils pour ce billet-là. Chez nous, pas de star en costard plein aucun. Rockefeller, si tu baisses pas le frappe, dealer, tu deviens quelqu'un. Vivre et peiné, certains rêvent de palace, hélas. Rien de béné, vivre et peiné, hélas. Faut rester comme moi, las guerrier. Rien de pas, alors nique tout, bientôt on s'en va. Pas besoin de gaffe pour faire les sous là-bas. Avant, je veux du blé comme Luciano. Mort sans être vaincu, zoner en BMD capot et traîner des culs sur le capot. Avec les potes, ça rigole plus, tout s'en bave. C'est sérieux, les temps deviennent grave, gras. Je t'apprends rien, l'histoire du roi est fort pour mon clan au moins. J'ai l'arme en main, l'intention de triste est loin, reste en fidèle au mien. Opération coup de poing, section nique tout. En 9-7, FF, fais ta fête et nique tout. Putain, qu'est-ce que tu veux que je dise aux gosses en face de moi? Qui font plus de thunes en un jour que moi dans le mois. Comment leur dire de retourner au lycée? C'est croix sur les cours, cours pour le fric et les gars. C'est avec le 12 carats, elle tombe dans tes bras. Vas-y, sors le 24, t'as droit au Kamasutra. Quel argument opposé à ces pseudo-vididiles? Le simple fait d'avoir la conscience tranquille, ça s'en fout bien pas mal. Tant que le cash régale, ça croit courir plus vite que les balles. Si le plan se déroule mal, la morale, aujourd'hui c'est moi qui te l'a fait. Demain peut-être serai-je d'élaborer le plan parfait. La tentation cherche, tu peux peut-être lutter. L'appel de l'argent des femmes, gazier, c'est au mieux d'y résister. Mes péchés, je crois que je m'en laverai plus tard. Pour l'instant, je fais avec ce que j'ai, même si ça me fait chier. J'essaie de lutter, et je dis bien j'essaie. Qu'est-ce que tu veux? On n'est pas des MC cadets. Les coups faciles et foireux qui rapportent gros foutaise. Je laisse à Scorsese. De Mars, on part en croisade contre l'état avare. Représente les quartiers dissensus blancs, français navarre. Regard à gare sous pétard, on tacle les nantis. Politiciens repartis, bombe, whisky gonzé, c'est reparti. On se prétend pas prof, donc on donne pas de leçons. Tracheur de mon sang, rémission sur des ponts qui sont. Yeah. Opération coup de poing, section nique tout. Lève ton poing pour la révolution et nique tout. Nique tout, nique tout, yeah. Nique tout, yeah. J'envoie ce fond qui sonne, toujours le même béton pour horizon. Baisons ce système qui nous mène la vie dure. Fureur de vaincre au fond du cœur. Convaincre et lutter sans peur, accablé de reproches. Pourtant on défend nos proches avant nos poches. Et les mots m'accrochent, le son des canailles mauvais garçons. Joue à fond qui familie, équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calmerait? On vit pas dans des palmerets. T'endors pas, garde un œil ouvert, tiens-toi prêt gamin. La force est dans ta tête, la puissance dans tes mains. Je prétends pas montrer le chemin, mais c'est aujourd'hui qu'on construit demain. Je sème des rimes, tant pis si je passe pour un fada. Que je récolte nada, je reste hip-hop, soldat sans famas. Passe devant les liasses comme le reste de la populace. Mais y'a que dans les rêves que je me retrouve en place. Plus rien au réveil, sous un soleil de plomb. Représente du sud au nord, m'espère rien du président. L'état d'or sur un tas d'or. Opération coup de poing. Nana wa ya ya ya ya. Ça c'est Raki, Brigadier Mamadi. C'est Raki. Le jour se couche, microphone branché, FF en live, faut se rapprocher. Réalité, la fureur et la foi. Faut dire quelle chose. Dédicace au fond d'André K.O. T'as dit maman dit avec la famille, c'est chaud. Représente la mafia des commandes dans un putain de décor. Rage d'encore. disait tout fort qu'on était mort. Mis sur la musique comme bas parce qu'elle me ramène pas de fric. Attends le déclic pour une vie plus chic. Fumer femme, sim gouranza. J'pourrais vous la musique de frappe. Changer la tendance, car oui, plus de chance. FF, nique le show, tu peux crier codo. Parce que la jeunesse n'a plus le temps de faire dodo. C'est sans rémission que des fausses visions dans les quartiers de France. Demain, on part en croisade contre l'état avare. Représente les cartes, ils disent sensible en France et Navarre. Regarde à gare sous pétard, on craque les nantis. Politiciens repartis, bande whisky gonze et c'est reparti. On se prête en pas propre, donc on donne pas de leçons. Tracheur de mon sang, rémission sur des fonds qui sont. Demain, on part en croisade avec le troisième œil. Impérial asiatique man, sans rémission. Pour tous les quartiers de Marseille, sans rémission. À travers la France, sans rémission. Opération Marseille, Marseille. FF de Mars, rémission pour le troisième œil. FF de Mars, FF de Mars, section nique tout. FF de Mars, pas de retour. Marseille, Mars, section nique tout. FF de Mars, une 16 pas de retour. FF de Mars, section nique tout. FF de Mars, c'est pas un peu. La funky, carte de terre est funky. La planète rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. Voilà le son que j'attendais, surtout en période tendue. Moi je sors du 9-4, j'évite les coups tordus. Depuis mon adolescence, j'évite les pièges tendus. C'est tendu, et alors on assume quand c'est tendu. Respect, homme de paix, ouais, mais y'a un malentendu. Tout le monde devrait nous marcher dessus. Je résiste et tu prétends être déçu. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est toi qui me déçois. Qu'est-ce t'as de fou toi? Plus question de me justifier. Refrais ça date pas d'hier qu'ils essaient de me crucifier. Tous attendent ma chute, guette le faux pas. Tous rêvent de dire, tu vois, ils disent qu'ils ne fait pas. Tous m'attendent au tournant, avec chacun leur raison. Un jour je m'exilerai parmi les hommes de raison. Mais pour l'instant je suis là et je rappe sale. Je rappe tellement bien qu'on dit que je rappe mal. Je rappe, ah, je traque le track. Depuis Thug Life, je ne rappe que des massacres. Dès que je rentre dans la cabine, ça sent le classique. Si un jour on m'assassine, c'est que ça sent le plastique. Je rappe sous la pression, je rappe sévère. Je rappe pas torse nu, mais je rappe le ventre ouvert. Je rappe vrai, je rappe Thug. Je rappe la paix en attendant que les balles pleuvent. Et vu comment c'est parti, tu sens qu'il n'y aura pas de refrain. Si ce n'est à la fin là, je rappe quand comme j'avais faim. Je rappe quand comme j'avais rien. D'ailleurs, je n'ai toujours pas grand chose pour faire des thunes. Je n'ai jamais choisi les bonnes causes. Tu veux le peu que j'ai, tu joues avec de l'essence. Garçon, c'est du feu que j'ai. Tout ce que j'ai acquis, je ne l'ai volé à personne. Et quoi que disent les ondits, je n'ai trompé personne. Un homme a ses faiblesses, s'ils ne peuvent pas le comprendre. C'est peut-être qu'ils sont parfaits ou qu'ils ne veulent pas l'entendre. Tous émettent des jugements sans les connaissances qui leur permettent. Tous ont foi en internet. Bienvenue dans le game, tout le monde veut le name. Mais le premier qui règne peut craindre le règne. Sont persuadés qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Pour être au-dessus de tout le monde. Tout le monde veut écraser tout le monde. Insulter tout le monde. Piétiner tout le monde. Humilier tout le monde. C'est le faux peut-être tout le monde. Moi ce n'est pas ma vision, ce n'est pas ma croyance, ce n'est pas mon monde. Mais malgré tout ça, j'aimerais encore rassembler tout le monde. Je n'espère plus qu'ils me comprennent. Je continue le combat. Il neige des complots. Je l'allume entre les coups bas. Mon drapeau est peace. Mais peace avec justice. Tu me trouveras en face de ceux qui pissent sur la justice. Qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Que je donne ça. À quoi et réfléchis, c'est Kerry James ça. Je rappe depuis l'extérieur. Pour mon frère à l'intérieur. Je rappe pour ROH de Z. Je pleure nos erreurs. Je rappe pour Fren. Je rappe pour Fleury. Je rappe pour Nanterre, la santé et Bois d'Arcy. Je rappe pour m'apaiser. Alors je rappe ma furie. J'entends le public crier. Je suis mafia qu'un fric. Je rappe comme il chuchote. Empoisonne ma vie en espérant que je suffoque. T'imagines même pas le poids que je supporte. Et l'amour que je porte aux peu de gens qui me supportent. Depuis si c'était à refaire, ils m'ont dans le collimateur. Et si je gêne mon frère, ce n'est pas seulement pour ma couleur. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Surtout aux hypocrites, MC ou journalistes, que la vérité irrite. Je rappe un œil dans le dos, le regard vers le futur. À chacune de mes blessures, j'ai un rap en point de suture. Certains n'ont que des prétextes et veulent en faire des causes. Je dis rien d'autre que de l'avarice et de la jalousie. Malgré leurs accords,

que des mecs morts sous des becs à nourrir sans un copec. Les decks sont vraiment sans respect, mais j'emmerde de te respecter. Ici personne n'est vierge, comme nos casiers judiciaires. Imbécile, tu fais qu'une merde déçue quand tu niques la justice. Gros, la rue n'est qu'un cercueil ambulant. Il suffit d'un coup de feu pour qu'on appelle ambulance. Ouragan de violence pour un peu d'opulence. Je n'en peux plus, me dis bon, tu planques ton coffre ou je te sortirai mon gun. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus d'OV. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Ma banlieue nord veut des gros sous, pourtant nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus d'OV. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Dans le 93, rien que ça marche qu'à la testostérone. Allez bien goûte au sérum, ouais. Si tu te débiles on dérobe, ouais. Si tu rechines protège ton sternum. On est tous des hommes et tu pourras rien y faire. Je viens de là où si t'es faible, c'est à coup de barre de fer qu'on traîne. Paranoïa juvénile, on s'endurcit parmi les impulsifs. On prend pas de raccourcis vu qu'ils peuvent réduire ton espérance de vie. On rêve tous de tir à 40 millions de dollars. Et pouf coopératrice, tu auras sûrement pas son mot à dire. Alors pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Dans cette course au bifton, faut pas ralentir avant que tu puisses un jour t'amortir. T'imagines bien que dans mon 9-3 on sait y faire. Que ce soit dans le sport ou le terre. Dis-toi bien qu'on nique ta mère. On est tous fiers au bas de nos tours, mais ce bâtard veut nous foutre au trou. Maintenant comment son petit va pécho son bout. On est pertinemment conscient de tous nos échecs scolaires. Mais tout serait différent si la Sorbonne serait domiciliée à Aubert. Mais non putain de merde, tu voulais me la mettre à long terme. Viens faire un tour dans mon 9-3 si tu l'aimes tellement. Là où les montagnes de coke viennent droit de la Colombie. Là où les zombies sont plus présents qu'en Haïti. Elle est hardcore cette vie, mais je l'aime à mort cette pute. Peux-tu te permettre d'être abattu sans que t'aies pris une thune? À mort la vertu. En tant que vacateur et acteur actif de mes déboires, j'ai eu trop peur qu'il ait fallu que je me mette à boire. Toujours pas disque d'or, mais toujours trop de choses à dire, trop de choses à fuir. Que je dors même plus quand je dors. T'as vu dans mon département, c'est comme partout. Y'a des fils qui virent mal et des filles qui finissent dans des boîtes à partout. Heureusement c'est pas général, y'a aussi des gens qui tapent. Des petits frères qui mettent des baffes au bac et des nuages qui tapent au black. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes forts. C'est pour ceux qui coûtent au port et ceux qui mangent pas de porc. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de l'OV. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes forts. Ma banlieue nord veut des gros sous, pourtant nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de l'OV. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes forts. S'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de l'OV. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Ma banlieue nord veut des gros sous, pourtant nos mains sont dans la main. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de l'OV. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Oui, si, si, c'est toujours pour ceux qui sont 93 hardcore, tandem, le balafré. 93 hardcore. Ouais. Oui, oui, si, si. 93 hardcore. Ça vient d'Aubert, mon frère. On a la dalle. 93 hardcore. 93 hardcore. Ma tailleur et ma crête gore. Levez les bras si vous êtes 93 hardcore. 93 hardcore. Hardcore. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Du moment que ta meuf est heureuse, ça va. Elle aime les roses, c'est ça. Je veux savoir comment bosse, ça va. C'est du bon, y'a pas mieux que ça, ça. Envoie le buzz ou le collage à droite. Quand les gauches lâchent boîte, si je la galoche et qu'elle est trop lâche, elle se doit. Mais ma chef quoi, tu l'aimes si calage qui coffre. Le Kaya sneaker, alias kiwi scotch ou alias sneaker, péteur d'alco test, balancheur d'argot test. Dis-toi que si ta goutte c'est su, c'est parce que t'es pas beau, c'est sûr. Mais surtout parce que j'aurais déjà bossé dessus, pris les mesures. C'est à mon tour de briller, jure. Le style est pur, t'auras beau chier dessus. Je ferai des blessures. Si j'ai bu en impro, je parlerai que de vie est dure. T'as vu et au flic. On t'a menti si on t'a dit que je carburais qu'au shit. Niveau pute, Jack, si le cap est beau que chic. J'ai fait mon job, les MC peuvent sortir leur meulard. Défoncer, défoncer, voilà où se situe la meulard. Mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini m

pris dans ma chambre, tu sais. Tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour vrai, c'est idem. Du kiff-kiff au final, t'as reconnu la voix que t'aimes. La même signature vocale. Chacal à l'arrache, du hip-hop sans complexe. Tellement gravé dans la roche, j'allume mes clopes au silex. Riche, pas encore, toujours le même problème de flou. Cette maladie incurable qui soigne par pack de 12. Hey, ma belle, y'a pire. Bâche-tu à la tâche, respire. La vie est belle, ça s'écrit pas VIH. Toujours le même salaud. Dégueulasse, efficace, rapace qui joue le beau, alias Tunisiano. Mon premier cassage de dos, comme mes premières thunes. Mon premier pas en studio, comme le premier pas sur la lune. Les mêmes raglis, les mêmes cliniques pressenties. Orti, Zara Somroti, Ouzokiati. Les mêmes histoires d'Alma, Chilo, R. Kelly. De la mort de Biggie, au pont de l'Alma et les Didi. Ici, tu hoches la tête, l'album te met en transe. Sniper gravé dans la roche, on revient choquer la France. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Sous le disque ou sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Je rappe ghetto, ouais je rappe ma vie. On persiste et on lâche pas prix. On vient pour contrôler le réseau, ouais. Marquette mon empreinte sur mon tiers. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Sous le disque ou sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Son rap français, planète rap. La nocturne. Dédicacé à ceux qui rappaient sur beatbox. C'est pour le N3. Le 20-1. Et tu le sais. Pour le 7-7. 1 pour le Nesby. 2 pour le 7-8. Comme le 91. Laisse-moi qui fait la vibe. C'est pour un euro. 92. Répétez les watts pour 95. Ouais. Calmement. Hey, le 3 connection, baba. Husky, bonne mais l'attitude du MIC, j'tire de suite encore titube. Catastrophe, je veux chanter mon petit tube. J'lâche à mes escutes en direct de la banlieue sud. C'est à la plaque 9-4, t'arrives à Bastille aux Champs-Elysées. Rafale verbalisée, baisse les vides, fais les balisés. Le Val de Marne, mon deuxième pays. J'escaladais le Montméli, atteint le sommet, l'abbaye. 94, mousquetons, accueillis avec des pochetons de skeutons. Des combats de bites, déguisent leur chicot sur le béton. Sorti du dépôt, j'remets mes lacets au palais. Y'a pas plus chum, vos balcons, j'm'arrache à la ville du joint. J'vois un bon, dédicace au sablier, malgré un manque de respect en boîte. Je reçois un verre dans la bouche et je te couche avec une droite. Donc on est quitte, c'est pour mon équipe des bordières. Bellax, Bibax, la section, des crapulax, petite excursion. À 300 km dans les rêves en forêt, à Forger du Tcherno, des tripes en carton à la mettre à saison foire et techno. Fuck la techno, c'est de la musique de drogué. Parler l'assaut contre un portable, mon album se fait troquer. En calèche, les graines du bitume ont fleuri. Évasion à la calache à freine, c'est pour le D1 à fleuri. C'est pas la fleurite, ça frôle la folie. Cagoule brolique, derrière les thunes comme un chien derrière. Les frolics, foulette mais toujours poli, solide à bord d'un poli. Coup de frein à main avec une handset un peu jolie. Ça tombe pas pour viol ou des coupes graves, que des trucs braves. À la Montreuil, c'est la chourave avant la pique grave. Pour les gros et les petits torses, 94. Ça groule à l'FL une Corse, 94. Ça m'a avec une entorse, 94. C'est que l'union fait la force, 94. Tension et rapport de force, 94. Arme blanche, monnaie fausse, 94. Charge d'un rhinocéros, 94. Soirée en CBR, beau gosse, 94. Cacahuète, balayette, pirouette, besoin de renfort aux alouettes. Tire derrière les volets, ta fenêtre, c'est pas net aux planètes. Maison Alfort, ville et les banlieues limitrophes. Mes rimes défilent, c'est pas du morph, morph, c'est catastrophe. Qui t'offre un tour dans le coffre, coffre, mon CD. En retour de père, mon semi-liberté. La vraie richesse est dans le dîme, corrige ton orgueil. Pense plus à la mort, à l'accueil, dans le cercueil, y'a un clin d'œil. Au braquage de la prime, ça accueille, t'as la hit, c'est le mythe. Certes, tous se font désarmer, mais noter les Schmitt, c'est le mythe. Et c'est franchir notre seuil par bicêtre. Avec un peu de chance, les martinets font preuve d'hospitalité. Sinon, pas loin, les urgences pour te faire hospitaliser. Électrochoc, scalpel, aussi vont te brutaliser. Tout scolarisé, à l'école, la rue est vers l'or. Une ville juive, s'alcooliser, fumer, en avoir un grain, finir à ville juive. Devenir la risée, des sales gamins. Détruit par la tôle, la fiole, faire des sales gamins à la trentaine. Se met en cavale tout seul, s'appelle la dette. Sur une 103 avec un 12, un pack de 12 d'Enken. Yeah, qui tape un poste, tape une poste. Fait mal au crâne au chef de poste. Y'a pas de barfure, nous ça riposte. Yeah, nous arriverons jamais à la cheville, t'as eu. J'connais, j'vis la rue, et l'oser la Martine. J'cache vie, la rue. Sur la N7, accélération. Pour la 9-4, célébration. Moteur bloqué en agglomération. Même les motards freinent. Pas d'amélioration malgré sa cause. Copies sont la rose. C'est pour les cités de freine. Et là, il est rose. Le 9-4, des forêts dans le champ. Puis en chasse de cachant. Attire les grands champs. Sous le capot, c'est l'hippodrome de Longchamp. 4 sorties de peau, des étalons et des longues jambes. Yeah. Pour les gros et les petits torses. 94, un gros LFL et une Corse. 94, même avec une entorse. 94, c'est que lui l'on fait la force. 94, tension et rapport de force. 94, arme blanche, monnaie fausse. 94, charge d'un rhinocéros. 94, soirée en CBR, beau gosse. 94, on plonfonce comme un zamel, défonce comme le zamal. Tarif de port de choisir canon de chaque ou artisanal. Y'a que les montagnes qui se rencontrent pas, la pompe à essence livrée. Conduit ton état d'ivresse sur le son. Mafia qu'un free, 9-4 ton pire ennemi. Plus Jacques Mestrine, ça part en vrille. À la cité hoche, les pyramides, Barbus d'Ivry ou de Vitry. Ville de communistes, même avec Tati, la vie est triste. Toute la jeunesse au Habs, rien que des récidivistes. Un hit braqueur, dragueur, même les ripoux et les femmes flics préfèrent bosser dans le secteur, se faire ken par leur époux. Criminel pour choisir Gabriel, Jacques Cartier. Yeah. Là où ça me saute du 4ème étage, quand la bac attaque au bélier. Je prends en otage le rap français. Mets mes parents comme au sol, la sablière, Alfred de Musset. Passe le salam aux cités de Villeneuve, le roi, Saint-Georges ou Bonneuil. Joue pas l'américain, les mecs verront toujours d'un bon oeil. Enferme les chbèbes, les poucas, faut les humilier. Tu me dis raf et de nous, tiens, coup de genou pour filer les yeux. Si on bruit entre cités, faites la paix. Le commissariat craint les mettre au bois la paix. Voilà, là, les bananes trottent, mais ça baisse tout, même Geneviève de Fontenay. Sucy, Boissy, Neuilly et le Val de Fontenay. J'étais aux autres Vincennes pour un parloir sauvage. Je fais les fils, surveille, pour Charenton et Limé. Stopper les teintures et la laque, ça fait fort au bœuf au plaque. Cramer ta poussée chez Watt pour te mettre torse nu au lac. Joue pas le fou, mec, à la belle. Quand tu vois marcher seul à Créteil, Soleil ou Bélème. Pour les gros et les petits torses. 94, un gros LFL et une Corse. 94, même avec une entorse. 94, c'est que l'union fait la force. 94, tension et rapport de force. 94, arme blanche, monnaie fausse. 94, charge d'un rhinocéros. 94, soirée en CBR, beau boss. 94, pour les gros et les petits torses. 94, un gros LFL et une Corse. 94, même avec une entorse. 94, you can't stop my nigga rock. What? Planète rap, 100% rap français. Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer les spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris de ça. J'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas, ça vient d'en bas et puis quand c'est pas confiné, léché, trop sophistiqué, c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pole. Position peu confortable mais c'est pas grave, j'aime le challenge. Porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur pour moi. Comme pour tous mes complices, mes compères, mes compasses. Fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. I make music for my people, but that's my people. Mes kiffs c'est de tirer, rester tranquille. Mais ça n'est mien, me laisser aller à déballer. Des conneries parler juste pour parler. Refaire le monde avec notre vision décalée. On est des fous, bloqués dans des cages d'escalier. Pris en otage, je parle nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure, tout ça, ça pèse. 96, je vois toujours des braises allumées. Dans les yeux fatigués, des gosses du quartier. Passe le mic, je développe mes idées contaminées. C'est vrai, je suis miné, déterminé à ne jamais vraiment lâcher la fête. faire? Qu'est-ce tu peux faire? Je suis pas là pour prendre des coups, bien même pour me taire. Si le FN brandit sa flamme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Pas d'éclair, ni gêné, juste un lyrique qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon poissé. Et tout le monde! Oh! Ah! Oh! Seule excuse au fait de prendre de l'âge. Si je sens pas les miens autour de moi, putain, c'est naufrage assuré. Ouais. C'est vrai, je me sens rassuré. Ouais. Qu'en présence de ceux que j'aime, je veux m'assurer que tout ce que je balance soit approuvé. Même si j'ai rien à prouver, je veux que tous mes potes puissent s'y retrouver. Je veux pouvoir les garder, bref, moi les regarder des 12 mois. Par an, l'ont fait mes parents pour moi. Parce qu'après, c'est trop tard. Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont tibas. Ou bien c'est que t'as envie de pleurer. Plutôt que tu sais pas. Dans ce cas, je peux rien pour toi. J'ai pas la clé du bonheur. J'ai même jamais été à la hauteur. Uh-huh. Pour ce genre de truc, mais aujourd'hui j'ai peur. Car l'horloge a tourné, j'ai tourné. Rap. 100% rap français. Get killa killa. The counter attack will begin. Trop souvent sur la trajectoire. Développe cause, pas d'enveloppe, me pousse à rester dans ce biz, ni même c'est Penelope Cruz, j'rêve pas d'Hollywood, tu traites pas trop de give a love. You lose, à peine à l'op, dans ce putain de club, un jama, une ventouse. Que j'pose sur cette vitre, vite, chope la poignée, vite, choc, j'me le rap au grenier. Ça a besoin de poussière, j'plave trop ma silhouette, dans ces coins sombres, ma savane crache pas clair, la la. L'ex-esclave qui parle, mais on reste un devant là. J'maîtrise well ou quand c'est le cœur qui parle. Pour certains, ça peut virer dans le paradoxe, même voir pire dans l'intox, mais j'm'en moque quand j'me fie à la. Vois que j'sais m'arroser au pleurs de la daronne, PLN, entouré de Taïmon, veut faire clic comme la baronne. C'est pas le même système, ils se tapent coupe l'afghan à la mêle pour sortir le 400 ml. J'belle mère, si tu attrapes un coup de life au New York, c'est pas la mienne, du leur. Moi j'fracture la poutre de ta vie à coup de middle. C'est là les gars, on arrive sans smir, la porte est sous granit, ni j'suis la meule. Donc le monde est énorme, ici c'est 50-50 pour un homme. On suit pas les critères imposés par l'homme, pareil pour nos textes. C'est quand fois énorme, on suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos textes, on vit au. J'ai l'impression d'être attiré dans le fond, par des filets tout, car dans le fond, la ceinture a épargné plus au fond. Faut que ces hommes soient des envies, car dans le fond, j'ai pas tant que la mon cueil dans son palais. Qui se la ramène? Vince le volant, un enfoiré de plus qui vient faire péter les boulons, un perturbateur de plus. Contre la haute classe, qui veulent diriger le monde, mais sont pas au niveau de la classe. C'est la vie que je mène, sans plainte, sans gêne, sans crainte certaine. Car l'islam, mon oxygène, c'est notre guine, notre vie, notre joie, une guine énorme. Comprends pourquoi tu ne fais pas le poids hors norme. Je suis là pour t'informer, c'est pour une rafle, donc va dire au président de se la fermer. Au fait, je suis venu armé, coup royal, Joe Six Liner. Voilà mon armée, ma firme, PLN, sous n'importe quelle forme. Ni vu ni connu, je t'embrouille, sous n'importe quelle forme. Ignorant, dis-toi que mes frères ont trop de trucs en eux, trop de stress, trop de gêne, mes frères ont trop de H-A-I-N-E. Donc le monde est énorme. Ici c'est 50-50 fois énorme. On suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos textes. On vit au taquet. Et c'est énorme. Ici c'est 50-50 fois énorme. On suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos textes. On vit au taquet. Je suis esclave de la. Donc voilà les gants sur le ring de la vie, j'évolue très Ali. Claire que la première mesure je m'allie au côté afghan, le Mali, voilà pourquoi j'allie. Le drapeau des têtes, des Bill Gates, les têtes africaines, tête peut-être à faire des guettes à pans sur nos petites têtes.

reste à me regarder. Toujours vif, comme au premier jour de cours. Où tour à tour les mecs te matent, claque pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté. Où les réputations se font et se défont. Où les moins costauds enjambent les ponts, se défendent sans modération. En guerre permanente avec les autres, les bandes se forment. On comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni. Où tu te crois mais t'es qu'un con. Et y'a qu'à toi qu'on n'a pas dit. Les autres jouent les caïds pour une bille. Puis une fille, le poil s'érisse, les dents graissent. On tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal. La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins. Chacun sa barque pourrie sur sa merde, merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité. Les coudes se soudent, on pousse un caille. Le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. Un chambara, la fierté, la loi tue comme un bon vieux Kurosawa. La main sur le katana, même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté, la loi tue comme un bon vieux Kurosawa. La main sur le katana, même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Le temps passe, baby, carte grandit entre le fer et la foi. La foi, c'est avec le fer qu'il l'a acquise, aux prises avec la pression. La presse relate ses actions, la prison souvent remplie. Place le paxon, le pompon s'agite au-dessus de nos têtes. Chacun le veut pour lui, un billet pour le manège. Gratuit, verrouillé, la nuit, les lampadaires se morfent en mec. Une seule quête, les pépettes. Quand t'as les sous, tu drives une 720. Et tu touches des seins en lutte. Souvent on bute sur le pied du voisin, espace restreint. On gueule souvent, on en vient aux mains. Pour tout et rien, ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. Les sens toujours éveillés. Éviter les embûches, les femmes risquées, les boîtes piégées, les gens changé. La rue est mal fréquentée, surtout sors pas sans tes papiers, ça peut gâcher la soirée. J'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour, je verse un verse. Et pour ceux qui attendent leur tour et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras, on n'est pas né pour ça. Même vaincu, on se jettera dans la bataille pour l'honneur comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté, la loi tue comme un bon vieux Kurosawa. La main sur le katana, même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté, la loi tue comme un bon vieux Kurosawa. La main sur le katana, même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Rap 100% rap français. Wesh, wesh. On fait les choses, on s'arrange. Ouais. Je suis le mec qu'on appelle mystique, mystique à mente. Rien de la chaleur ici, c'est mucha caliente. Arrête. Tu sais pas feinter, avec ton style emprunté. Je te laisse même pas le temps de finir. Je veux te chienter. J'ai plus de drip qu'il y a de touches sur un synthé. Sale chienté, foutu dans ta tête et peinté. Moi je fracasse tout, à la télé kiffe pas du tout. Christine aux craintes, les craintes c'est une touche d'ironie teintée. Chaque passage au micro testé, tu sais que je veux pointer. Voici le petit noir, café très très noir, beaucoup me détestent. Préfère un T, 3T, je donne plus que le quinté. Dans mystique y'a quinté, trinqué. À la mienne santé, à ma souveraineté, dans ta main T. Ton esprit, mes mots vont teinter. Sachez, fâché, un 998. Baby C, M-Y-S-T-I-K, mystique, exactement. Le blé d'eux, on fume la chose pire qu'un hey, B de blindé. Je vais te lâcher, je vais te lâcher, te rabot, crier à l'aide. Même si je dérange, ma trame même, chance s'arrange, tu connais. Je vais te rouler comme du de chier et te fumer comme un spliff de zèbre. M-Y-S-T-I-K, mystique, exactement. Je vais te lâcher, te rabot, crier à l'aide. T'as une bombe première classe pour le nord, sud, est, ouest. Je vais te rouler comme du de chier et te fumer comme un spliff de zèbre. Rappeur S.O.L. où tu sais, c'est Pitomai. Si le rap est un jeu, appelle-moi player. Si t'as l'oreille, écoute ma rime bien, appelle-moi meilleur et belle. Le B, le A, de C, A, R, D, I. Le B à bas du B, on rappe dans ta stéréo. Ben un, Tout le monde confond, le rap c'est un moyen, pas une fin, ni un sprint mais une course de fond. Je me focalise pas sur les histoires de meufs, n'immortalise pas ces histoires de cité de keufs. Je l'ouvre parce que la ferme c'est pour les cochons. Je suis acteur quand j'ai mon rôle à jouer et pas un autre. Lui veut être moi, elle veut être à moi, et moi je voudrais être à l'affiche dans le RER du mois. Je suis pas fâché que machin ait pompé mon style. Je suis pas chat et peut-être chef, mais j'ai léché plus de nichons que toi. Bagarre juste pour le goût, goûte, c'est pas des rimes au compte coûte. Get, je coupe toutes les têtes sur ma route. Si je vais te lâcher, je vais te lâcher, te rabot crier à l'aide. T'as une bombe, première classe pour le nord, sud, est, ouest. Je vais te brûler comme du toshi et te fumer comme un spliff de zeb. Rappeur S.O.L.O, tu sais, c'est Pito Mike. Si je dois te lâcher, je vais te lâcher, te rabot crier à l'aide. Appelle-moi Rof, un soldat parmi des millions. Je vais te brûler comme du toshi et te fumer comme un spliff de zeb. 113 clans, mafia, cafri, je représente. Il est bien temps de concrétiser. Bois ma santé quand tu vas teaser. Tout pour le zeil, toqué ta poche, te le disais. Si t'es à poil, c'est pas grave, faut économiser. L'union fait la force. Toi et tes potes faut cotiser. De mon juice, la jalousie, je m'en fais attiser. Mon style mérite de faire la une du journal télévisé. Mais on m'a dit que c'était des PD qui produisaient. Donc en tant qu'anti-PD, ton colon je viens briser. Inutile, c'est pas la peine de sympathiser. Ce n'est pas de mon pédigré, je ne pense qu'à traumatiser. Rof Excel, Vitry à Carcharcel. Ghetto français, ma voix traverse le ciel. Preuve d'un monde de cruauté, car je viens mettre mon grain de sel. Par habitude de tout niquer, car soldat universel. 9-8, l'année de la cuite, sur une mission j'opère. Ma sert qu'un fruit d'arrière, calibré c'est pépère. Si je dois te lyncher, je vais te lyncher, te rabot crier à l'aide. Appelle-moi Rof, un soldat parmi des millions. Je vais te brûler comme du toshi et te fumer comme un spliff de zèbre. 113 clans, mafia Capri, je représente jusqu'à la mort. Si je dois te lyncher, je vais te lyncher, te rabot crier à l'aide. On revient foutre le dawa pour les rater l'escarlate. Je vais te brûler comme du toshi et te fumer comme un spliff de zèbre. Hey Benji Jackie déchire pour la Yaska. Écoute ce style, écoute ma voix, tu sais qui je suis, n'est-ce pas? L'homme qui dresse la rime et tchatch, c'est que ça tu le sais déjà. J'atterris sur ce beat avec Mystique Prof et Beat Bacardi. Jackie mon acolyte me clique, ça défouraille et je ne vais pas faire de détails. Je vais t'étriper, je vais t'égorger et transpercer tes entrailles. À coup de front kick, à coup d'high kick, à coup de patate comme en box toy. Mec tu vas saigner, c'est clair, j'ai un style qui cisaille. Eh, hey, yes I, je suis un vrai guerrier massaille. Je terrorise mes ennemis partout où je vais, je fous la pagaille. C'est Jackie que tu veux clash, qu'est-ce qui se passe? T'es chic taille, t'as 10 secondes pour t'excuser ou préparer tes funérailles. Mais ma tactique c'est l'attaque, clair et net, pas de micmac. Je ne vais pas jeter des fleurs à ceux qui méritent des claques, non. J'ai des lyrics en stock, des vannes et des blagues en bloc. À la disposition de celui qui me provoque. Si je dois te lyncher, je vais te lyncher, te rabot crier à l'aide. On revient foutre dawa pour les rater les scarlats. Je vais te brûler comme du toshi et te fumer comme un spliff de zèbre. Hey Benji Jackie déchire pour le secteur A. Si je dois te lyncher, je vais te lyncher, te rabot crier à l'aide. Bagarre G-White pour Time Bomb Black Mafia. Je vais te brûler comme du toshi et te fumer comme un spliff de zèbre. Tu peux pas tester avec la mafia qu'un prix. Si je dois te lyncher, je vais te lyncher, te rabot crier à l'aide. 113, Beauval, rue Casnec. Je vais te brûler comme du toshi et te fumer comme un spliff de zèbre. Je hisse le drapeau du S.A. Tréma. Si je dois te lyncher, je vais te lyncher, te rabot crier à l'aide. Première classe, Jimmy Fendus dans la place. Je vais te brûler comme du toshi et te fumer comme un spliff de zèbre. J'en place une pour Saïd Express, dié la section. Yeah, calmement, calmement. Pour ma première classe, lentement mais sûrement. Rap français, planète La Nocturne. Les deux chanteurs du groupe NTM, Nick Tamer, ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Toulon à 3 mois de prison ferme et à 6 mois d'interdiction d'exercer leur métier sur l'ensemble du territoire français. Scandale avec les syndicats policiers, premier scandale, à cause de Brigitte Femme de Flic. Deuxième scandale en 95, dans le deuxième CD, donc qui s'appelait 95200, avec Sacrifice de Poulet. Monsieur R, dont le dernier album, politiquement incorrect, s'est attiré les foudres d'un député du Sud. Nicolas Sarkozy a même aussi annulé le concert qui devait avoir lieu la semaine dernière. Les membres de Sniper ont évidemment répliqué aussitôt. La rumeur existe depuis 1996. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a porté plainte contre vous, il y aura un procès, parce que vous avez déclaré « Des centaines d'entre nous sont tombés sous les balles de la police ». La chanson de Youssoufa, il faut la citer quand même. C'est « Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour ». C'est une menace de mort. Les accusations sont graves, mais comme d'hab on fait avec. C'est vrai qu'on est trop hard et puis notre art est de vous vexer. Pas de menace de mort, le rap ne sort pas de douille. Mais c'est le seul son hardcore depuis que le rock n'a plus de couilles. C'est un nouveau record de polémique, on dit que je chante le mal. Je vous l'avais dit qu'il y a des indices, les dizaines chantent le mal. Et dans leurs bêtises ils confondent crime et islam. Ils m'auraient trouvé plus gentil si je ne faisais que du slam. Coup coupable idéal, MC mercenaire. La rumeur dit que les NTM sont des snipers de la morale comme Monsieur R. Pas facile d'ignorer ça, pas facile d'opérer seul à la place de Orelsan. Moi c'est clair que j'aurai le seum. On a les critiques imparables d'une France qui oublie que les paroles de son hymne sont plus violentes que celles du gangsta rap. Je défends la cause des frères au sud qui rêvent du nord, mais ma liberté d'expression en chute est sous menace de mort. Yeah, il est grand temps que ça déménage. Il n'y a jamais de temps, temps irrémédiable. Yeah, les enfants sont inégales. Je fais du rap et ce que temps, temps est illégal. Yeah, il est grand temps que ça déménage. Il n'y a jamais de temps, temps irrémédiable. Yeah, les enfants sont inégales. Je fais du rap et ce que temps, temps est illégal. Je pense que le rap est une sous-culture, hein, depuis le temps, je guettais ce type qui vous mène à la baguette. Mais parle de rap en tête et puis nous traite d'un alphabet. J'ai dit que j'étais du genre à réagir sur le BPM. Je ne tends pas la joue comme celui qui a vu le jour à Bethlehem. Une seule ligne, t'as la force de le dire. Où j'exprime tout mon mépris et là, ça morce le délire. Des mots accusateurs pour les rappeurs, j'en retrouve 10 000. C'est vrai qu'on touche le fond chez ce bouffon de Morandini. Mais sans rancune, de ma plume je connais le tarot. Et la droite se déchaîne, m'affiche à la une du Figaro. Encore un article pour faire mentir le baromètre qui me confirme que certains journalistes de merde sont malhonnêtes. Nous sommes pas du même monde, l'hexagone va mal. Mais j'espère pas que mon prénom vous a subitement rappelé celui de Fofana. Et la police aboie pour que le tribunal me morde. Ça suffit pour qu'un juge m'inculpe pour menace de mort. C'est yeah, ça, mais il est grand temps que ça déménage. Il n'y a jamais de temps, temps irrémédiable. Les enfants sont inégales. Je fais du rap et ce que tant, tant est illégal. Hier, yeah, il est grand temps que ça déménage. Il n'y a jamais de temps, temps irrémédiable. Hier, yeah, les enfants sont inégales. Je fais du rap et ce que tant, tant bien sûr qu'il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose. J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la fille que l'on nous propose. J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Il y a la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la fille que l'on nous propose. Je plaide la légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose. J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose. J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Noir Désir. La nocturne. Hé, tonton, les cabas, ils sont trop lourds. Allez, monte dans la voiture, j'ai. Regarde, Bilal, il s'en va. Monte, Bilal, elle monte. Hé, Atmel. Allez, monte, monte. Allez, on y va, on y va. Hé. Hey. Hé, hey, mes Karim, mm-hmm. Tonton du blé. Tonton du blé. Pour tous les Miss Mourt. Le du blédi. Le 504 break chargé. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilal, va pisser. Le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vido. À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer Fedar, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout à Ti. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulemat avec mon zinc et son derbouka. Dans la main, un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zizitoun sur le corps et sur les bras. avec mon poste sur un fond de Zerwania. On parle de tout et de rien, des Nike Air au Visa, de la traversée du désert au beaucoup scouts de Yema. Et mon cousin me dit Karim, kiff les êtes là. Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit moi je t'ai pas vu cette télévision. Et l'autre me demande ça hâte à l'art Michael Jackson. Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et du latte. Pour d'autres, la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers monde. Et si j'avais assez d'oseille, j'emmènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Des 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité, Arbeya. Content de revoir mes potos et ma chebba. Pendant deux semaines, j'ai mangé que de la charba. J'irai finir mes jours là-bas. Inch'Allah, je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3/4 alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Je crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi. Explicite lyrics. La nocturne. Préparé au Big Bang. Derrière tous des clics de ouf, des pits à casquette, des big bands. Qu'est-ce qui se passe, mec? Les types scandent qu'ils vendent shit. Les coachs sentent le truc descend de flics, les petits bandes. Devant les films de gang vie, monte à Tommy, monte. Top ta vidéo de Montana, Tony. Pompe ton anatomie. Vas-y, à pompe, je la frie. Pour que tous restent en vie, vos vies sont grillées. Comme la gueule dans un survêt loto. Ou un tueur qui laisse sa photo, une lueur dans le regard. Un front plein de sueur, une peau noire. Un esprit clair pour le Nesby. La rue, mon casino, comme Patino et Petty. Entre nous, trop de concurrence comme Coca et Pepsi. Comme si c'était l'épilepsie. Ça secoue sur du Mako. Ça défilé de filles épilées en brouille. Hey, mais c'est ma course, des bouteilles de whisky se cassent comme dans les saloons. On dirait une scène dans Platoon. C'est la merde, frère. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones. Nique les clones. J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des Royal siècles. Comme l'aigle, j'ai l'œil du tigre. Comme Rocky, tant qu'ils sont gros, qui par mon style leur drogue. Prenons le fric avant qu'ils crient bigre. Merde, t'inquiète, j'ai le gros kill plan pour les faire hacker. Allume l'herbe pour le partage du blé. Qui prend quoi? Je veux pas me faire doubler. Tu me comprends? Je veux pas de quiproquo. Direction les Caraïbes, noix de coco. Eau tiède comme le sirocco. Fille exotique pour un mec classe et X comme Rocco. La haine me motive. J'ai un train de plus, je conduis la loco. Motif, les tâches des wagons. Né l'année de j'ai eu mon pote, ilophile. Pour un deal où on pouvait mettre pile au mille. Un plan géant comme Shaquille O'Neal. C'était ça ou sinon. Des bisous, y'a déjà autant de gars sur le filon. Que de frères en prison ou du pédophile aux Philippines. Donc tranquillon, prends quelques kilos de muscles juste en cas d'attaque. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones, nique les clones. J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des siècles. Moi, choc comme une nonne qui fume le crack à Vincennes. Tatoué, sapé très sexe, bafoué pour 20 cents. Un défilé de 5 Benz avec rien que des noirs ou un homo qui danse le pogo avec Diskin. Gaz comme un bec benzène. Moi, c'est breakdance, boogie. Les tiens font miskin. Je représente les miens comme Denzel. Ex rookie, frère Dean, jamais plein de zèle. Et sur mon polo, des impacts de balles forment mon logo. Les autres font rire comme Bozo. Le clown se comporte comme Ozo. Je suis une félonie, anti-viking. J'crée des colonies. Black Napoléon, homme caméléon. Bing, on pille le pays comme Mysrine. On envahit Virgin, les villas et les villes, les piscines. On boit de la tequila, ma famille, mon cocon, Shogun, nos ex-colons. Embrochés du cul au cou par des ex trop longs. Des tresses sous un collant dim, des teams, des textes trop longs. Je vois rouge comme les pots, parqués dans les réserves. Je couche avec les black squaws, squat d'un tipi. Pire qu'un hippie, j'inspire du pavot, pas vous. Je grave la vraie vie dans le pavé, comme les gars des grottes de Lascaux, comme Vasco. De Gamma, je suis à la recherche d'espace vierge, infiltré comme Donny Brasco dans la mafia. Donc je suis parano, speed comme Martin Payne. Sous cocaïne, j'ai la haine jusqu'au jean. Calvin Klein, je représente mon clan. J'ai le feeling comme Marvin Gaye, trop de flûteurs. Je suis un king comme Martin Luther. Faut qu'on s'organise, qu'on crée nos propres trucs avant que tout explose. J'ai de la force pour les frères, où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones, nique les clones. J'ai de la force pour les frères, les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des siècles. Chaque rue, chaque ville, chaque pays, chaque île, chaque continent. Ciel, l'espace, grosseur, le roux, la galaxie, l'univers, l'infini. Venez au KFC, rejoins ta femme, tout le reste. Mais vite, vite. La nocturne. On y pousse un peu de traverse, skate, BMX, Punic, la RATP, tout ça rythmé de rap, musique. Ma jeunesse à la couleur des trains, RERC, pendant le trajet je rêvais de percer, fier dans les trains. On cultive ça et nanti, flic ou gendarme. Alors on devient des boss du maniement d'armes. Mon peuple anéanti, temporaire seulement. Jusqu'à la rébellion de l'Afrique et des Antilles. C'est 9 the do nous. On est petit, on veut niquer Paris. On connaît rien nous, y'a plein de trucs à prendre. Et puis t'apprends, vite avec les coups. Reviens avec tes couilles, tes potes frappent avec les coudes. C'est poussé comme une ortie parmi les roses. Et ils sont trop, alors j'appelle mes rôles les ronces. C'est un état d'esprit, ne plie que si les puissants lisent bouffe. Ne reçoit d'ordre, ni des keufs, ni des propres haineux. De chez nous vient le mot vénéneux. La rue conseille, la juste console, souvent. Drogue douce, c'est le bug, la rue t'élève et te tue. Alors laisse-moi tirer que je m'assomme au teuteux. Griller mes genies, ici les hyènes ont une insigne. Et j'espère que c'est pas l'un de nous qui servira de gnou. La folie, le sang, la mélancolie, du rap, du fil rouge. Des risques et du son, ma définition. J'ai des hautes scènes, obscène est mon style. Mon comportement, je suis instable au micro. Dans la rue, je vis n'importe comment. Je m'en parle à race, sauf tes potes, la famille elle casse. Faut de la maille, plein de sky, il faut que je graille, non. Écoute, écoute mon flow fiscal, j'ai pas besoin de sponsor. Le rap, mon croix, il vise, comme ça je m'en sors. Connu pour tuer les MIC, d'ici à NYC. Du sang, des risques et du son. Ma définition, j'en veux toujours plus. J'entends pas leur putain de paye, leur putain de bus. Insoumis, j'mets des sous-vêtements. Parce que j'veux voir ce pays en sous-vêtements. J'voulais savoir pourquoi l'Afrique vit malement. Du CP à la seconde, il parle de la Joconde et des Allemands. Si le diable racole, j'suis son rodéo. T'attaches dans le hall avec de la coque-pisse sur ton auréole. De la belle Sony ou Virgin, vous comprenez mon style, n'a pas besoin de vigile. Des plaques et des plaques, si sport, Chirac était black. J'suis obscur, tord d'un œil comme un missile scud. J'suis pas le bienvenu, mais j'suis là. On pense qu'on m'a enlevé, j'suis venu manger, j'suis là. Plongé dans la tourmente quand les fonds manquent. À force de me plaindre, j'attends plus l'argent, je vais le prendre. Dérivé trop jeune, je peux plus redescendre. Et j'essaie de pas être ancien, j'ai envie à descendre. Ou je te fais jouer ou je te fais mal, c'est très simple. Ma définition avec des textes à prendre à un degré. J'ai des hautes scènes, obscène est mon style, mon comportement. J'suis instable au micro et dans la rue, je vis n'importe comment. Je m'en parle à race, sauf tes potes, la famille elle casse. Faut de la maille, plein de sky, il faut que je graille, non. Écoute, écoute mon flow fiscal, j'ai pas besoin de sponsor. Le rap, mon croix, il vise, c'est comme ça que je m'en sors. Connu pour tuer les MIC. D'ici à NYC, du sang, des risques et du son, ma définition. J'viens des hautes scènes, obscène est mon style, mon comportement. J'suis instable au micro et dans la rue, j'vis n'importe comment. J'm'en parle à race, sauf tes potes, la famille elle casse. Faut de la maille, plein de sky, il faut que j'graille, non. Écoute, écoute mon flow fiscal, j'ai pas besoin de sponsor. Le rap, mon croix, il vise, comme ça que j'm'en sors. Connu pour tuer les MIC, d'ici à NYC, du sang, des risques et du son, ma définition. Explicit lyrics. Y'a pas que les meufs qui viennent nous draguer. tu le sens dès que je rentre en scène. Je vois des MC qui crient comme des filles face à Greg Hansen. Quand je monte c'est pour donner la leçon. Leur mère me déteste, provoque des taches dans leur caleçon. Hein? Attention, attention, attention. Césrim, le chargeur est surchargé. Césrim, le chargeur est surchargé. Césrim, le chargeur est surchargé. Et MC, je n'ai pas fini, pourquoi tu couches par terre? Césrim, le chargeur est surchargé. 7-5, a.k.a. Fredo, anti-béqué et ghetto. Touche à mon bled et ce sera Soweto. Yeah. Appelle qui tu veux, amène un pli tous deux. En période de guerre, je tire, trouleux. T'es moule si tu t'en sors, même avec du renfort. Tellement tu transpires, tu putes, tu fouettes, tu chlingues, tu sens fort. Tu sens le bord. Comme dit la malécale, obligé que tu t'écales. Pour que je puisse me mécale, me voir en vrai ou en vidéo. Sont tes idéaux, je te verrai bien une team dans le QOLIDO. FROD old school. Plus vieux que le cash rule, yeah. Comme ma mère peut m'écouter, pour toi je chat cool. En fait je suis Vex, attends la next underground. Dédicace à Excel, lâcherai pire que Nino Brown. Tu te marrais du KKK quand on cramait nos maisons, nos frères. Maintenant c'est moi qui t'attends. T'entends, MC, je t'entends. Pourquoi tu touches pas Quand tu reviens des cours, ton père te met des claques. Vu tes notes, je me dénote. Des MC tête de linotte. Comme attaché au même s'il part des menottes. Tu veux me rattraper? Prends des cours de rattrapage et que je me mets à rapper une rime. Ça phrase plus qu'un de tes textes de 3 pages. On compte, analyse même au scanner. J'ai l'art et la manière de rendre les MC verts comme David Banner. Vénère, vulgaire, pas besoin pour être amer. Mon lyrique vexe plus que si j'avais insulté ta mère. Ton père, ta petite sœur, ton grand frère. Aider comme ça, j'en ai un plus savoir quoi en faire. Et MC, je n'ai pas fini. Pourquoi tu te couches par terre? Les clandestins de hip-hop, je les renvoie tous par charter. Viens clash si t'es cap, gage des câbles comme le Karcher. T'es qu'un porceur, mon style est plus pur que la viande cachère. Et MC, je n'ai pas fini, pourquoi tu te couches par terre? Est-ce que le chargeur est surchargé? Et MC, je n'ai pas fini, pourquoi tu te couches par terre? Est-ce que le chargeur est surchargé? Faux et usage de faux dans tes flots, je t'ai brillé mytho. Bouge ton paletot ou sinon ce sera chaud. Je n'aime pas ceux qui se la touchent et qui touchent même pas sur le tempo. Des rimes de l'art fait rap, ton pape. Dis cave, mon style, j'arrache grave, diga. Comme grave, digas. Contre mes faces, c'est que t'es un brave. Arrête de croire que tu vas faire chose qu'elle. Ton style qui bat de l'aile et 100 fois plus laid que la tête. Donc en présumé, les faux aujourd'hui vont trimer. Que mes tavis plus jamais à mes estimés. Trop de café dans le move, c'est la fête. Le plan net en fait, tu fais bon se branler la quéquette sur le 16 rimes. Je te ruine tellement sur le rythme qu'après ça tu chanteras. Quitte mon hip hop vilain. Pas beau escroc par toi, range des os d'ici MC, les chiens sont tous à voir. Et MC, je n'ai pas fini, pourquoi tu couches par terre? Est-ce que le chargeur est surchargé? Et MC, je n'ai pas fini, pourquoi tu couches par terre? Est-ce que le chargeur est surchargé? Et MC, je n'ai pas fini, pourquoi tu couches par terre? C'est Zrim, le chargeur est surchargé. Et MC, je n'ai pas fini, pourquoi tu couches par terre? C'est Zrim, le chargeur est surchargé. Mon style attire comme la paire d'Air Max, ça fout du cœur. J'attire comme le souk attire le souk-cœur. Je ne fais pas de quartier, et surtout dans ton quartier. Je sais que là-bas on y prend possible plus qu'une montre quartier. Les MC ont deux filles, et j'en ai aussi. J'attaque en douceur et par derrière comme la calvitie. La calvitie, la calvitie, la calvitie. Ok, ok, je maîtrise l'arsenic mortel comme l'arsenic lunatique sorti du 9-2. Quoi de 9-2, la banlieue 92 quand les M6 demandent. Merde putain mais il vient tout ce camp. Ok ok t'es chargé. Les faux on va s'en charger. Lunatique la brigade et j't'ai déjà prévenu plus d'une fois. Sans MC jamais côté du bois je touche pour le 9-6 et plus. Si t'es des miens avance comme on fait un million de refaits à Washington DC. Décès d'M6 si souvent. Regarde le mouvement. À Paris c'est comme au States mais on lève au moins 10 ans. C'est vrai il est plus facile de se taper dessus que de se serrer les coudes sur. Sur 100 négro 10 assure. Est-ce que t'es chargé? Amène ta pièce, yes, les munitions, on va s'en charger. 16 rimes, le chargeur est surchargé. La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Nocturne. Hour on the mic. Hour on the mic. Hour on the mic. Hour on the mic. Hour on the mic. Hour on the mic. disco. Micro, on pose notre discours sur beat disco. Miss Point, j'ai ton disquaire, Twisco. Fond, on veut tous percer le plafond. J'fous de la forme dans mon front, match de mes scarlafons. Et si ça te parle à fond, fous ta radio et dis aux gosses fous qu'il faut foncer pour ses idéaux. Époque silicone, j'sais plus à quel j'aime vouer. Sur qui compter quand j'coule ma clique, ma seule bouée. Ma famille, c'est mes sauces, on a sauce pour tout dégommer. Gommer, grosse arme à gauche, paumé, venu pour trôner. Le bis du siècle casse de la décennie. Le cas saisi, les sémis. L'affaire qui roule pour l'état, le sémi. La roue a tourné, c'est ma tournée. Tour avec nous, cours avec ton verre. Trinque et vis, détour la journée. La nuit en souffrant, crache des crânes. J'quitte les bossières, des boulons sur Paname, déroulons tout ce que nous voulons. Rime dégueulasse, des histoires de slash sous flash. T'en donnes pendant deux heures gratuites aux bâches. Tu donnes des styles pour poser sur ma compile. Tu joues l'hostile, mais y'a pas de soulève viril. Rendons le verbe à ceux qui cognent dur. Au-delà des mots, on fera toute la salle besogne. Je peux pas mentir aux jeunes, leur dire que j'ai des guns. Je veux pas non plus qu'ils pensent qu'on peut s'en sortir seul. Calme, posé, les miens en veulent. Violent dans tes rap, écarte-toi et joue et ferme ta gueule. Y'a pas de gangsters dans les studios, y'a que des grandes gueules. Il manque une phase en hull, hull, hull, ouais. Famille, car c'est tout ce qu'on a. Viens dans ma famille et tu te feras plus jamais carna. Tous on veut Kema, la musique, le cinéma. Tous on a trimé pour sortir de ce putain de coma. Ta fête, plus la défaite, c'est la victoire d'avance. Mais au final, à trois on pète ton équipe de France. Un coffee shop, une casse, mon cop madame. Je cotise pour ma retraite à Amsterdam. On monte tellement haut qu'on pourra plus redescendre. On monte et t'essaies de nous descendre. Je sais qui sont les traîtres, on sait qui nous respecte. Je sais ce que me réserve l'avenir, les armes sont prêtes. C'est une affaire à faire en loose, des lourds et les loose. Défoncer rien que du lourd, des vrais loups derrière une louve. Prête à tout nettoyer jusqu'au bout. Il faut que ça brille chez nous, on chêle à rien. On préfère laver notre linge en famille. Voyez le secteur, je crache ma vision vue de l'intérieur. Je pose une bombe, une spéciale pour ton postérieur. Patron sans porter, stylo terre et personne bronche. On expose ta soirée, mes sauces, moi et mon père de bronche. Et si on mise, c'est pour rectifier les erreurs commises. Mon rap vide les lascars comme Moïse sur la terre promise. La mouise, ça renforce les liens et quand la musique sonne, partout les groupes ils font péter le standard sur nos Ericsson. Du succès, on a les clés, mon clan, ma clé, réseau sur beat musclé. Lyrics vif à la Cassius Clay. Un vif, kiff, mon riff, bête jusqu'à haute volta. Pour ton col, touche ton cul et swing comme Travolta. J'en place une pour les miens car la famille y'a que ça qui compte. T'en fais mon affaire et à la surface ma clique remonte. Le truc de la sphère se bouge, que toutes les meufs remuent leurs fesses. Que Dieu bénisse le micro arsenic et dans la pièce encaisse et danse. Laisse tes roule avec mon secteur. Allume tes feux, craque l'allumette fais feu. Sur le beurre à faire demi pas de mouille pas là-dedans et vite ça brille pas. La peine de te faire remarquer, chic de la mec te grille pas. Te mêle pas de salette, nous foutre le souk. On va changer le beurre à le disque, même en foutre au souk. Arsenic donc gynéco, ça part en vrille. Brille les guides, tombe, on s'en bat, c'est une affaire de famille. % rap français. Okay, okay. This is the remix, baby. Oh oh. Oh, ma fouille. Son brave papa. Hey, hey, hey. Si, si. Yeah. Sortez-moi, sortez-moi.

cuisine au piment. Joli nom d'arbre pour des bâtiments dans ma forêt de ciment. Désert du midi, soleil écrasant, vit la nuit. Pendant le mois de ramadan, pas de distraction. Secret et un peu d'action. Je te dédo contre Paris d'argent, méchante attraction. Rire ininterrompu, arrestation impromptue. Maire d'arrondissement corrompu. Marcher sur les seringues usagées. Rêver de voyager, autoradio en affaire. L'eau de chaîne arrachée. Bougre sans retour, psychopathe sans pitié. Meilleur lien d'amitié qu'un type puisse trouver. Génie du sport faisant leur classe sur les terrains vagues. Nouvelle blague, terrible technique de drague. Individualité qui craque parce que stressé. Personne ne bouge, personne ne sera blessé. Vapeur d'éther, d'eau écarlate d'alcool. Fourgon de la Brinks maté comme le pactole. C'est pas drôle, le chien mort enfermé dans la cage. Bave de rage, les barreaux grimpent au deuxième étage. Il est du hachiche, c'est sage. Si tu veux sortir la femme, si tu plonges la ferme, y'a pas de drame. Mais l'école est pas loin, les ennuis non plus. Ça commence par des tapes au cul, ça finit par des gardes à vue. Regarde la rue, ce qui change, y'a que les saisons. Tu bats du béton, crache du béton, chie du béton. Te bats pour du laiton, mais est-ce que ça rapporte? Regrette pas les bifetons qu'on a bac, frappe à la porte. Trois couleurs sur les affiches, nous traitent comme des bordilles. C'est pas manioqué, mais les cigarettes se torpillent. Coupable, innocent, ça parle cash de pourcent. Œil pour œil, bouche pour dent, c'est stressant. Très tôt, c'est déjà la famille dehors, la bande à cadère. Va niquer ta mère, la merde au cul, il parle déjà de travers. Pas facile de parler d'amour, travail à l'usine. Les belles gazelles se brisent les chines dans les cuisines. Les élus ressassent rénovation, ça rassure. Mais c'est toujours la même merde derrière la dernière couche de peinture. Feu les rêves, gis enterrés dans la cour. À 12 ans conduire, mourir, finir comme Tupac Shakur. Mater des photos, majeur au jour du poteau. Pas mal d'amis se sont déjà tués en moto. Une fois tu gagnes, mille fois tu perds. Le futur c'est un auto. Pour ce jeu dédié mes textes en qualité d'ex-voto mec. Ici t'es jugé à la réputation fortement que toi. Et tous les jours les bougres pissent sur ta porte. C'est le tarif minimum. Et gaffe ceux qui pèsent, transforme le secteur en oppidum gelé. L'ambiance s'électrise, y'a plein de places assises. Béton fige, fais office de froide banquise. Les gosses veulent sortir, les noms tombent comme des massues. Les artistes de mon cul pompent les subventions des SU. Tant d'énergie perdue pour des préjugés indus. Les décideurs financiers plein de merde dans la vue. En attendant les espoirs, foire capote certains rap. Les pierres partent, les caisses volent des rap. C'est le portail au lycée, dans les couloirs on ouvre les instincteurs. Le quartier devient le terrain de chasse des inspecteurs. Le dos à un œil, car les os sont truffés d'écueils. Recueille le blé, on joue au dé dans un sombre cercueil. C'est trop, les potos chient sur le profil Roméo. Un choc de popo, faire les fils et un bourreau des hauts. La vie est dure si on veut du rêve. Ils mettent du pun dans le shit et te vendent sa rame se lève. Tu me diras, ça va, c'est pas trop. Mais pour du tcherno, un hamidou quand on a rien, c'est chaud. Je sais de quoi, je parle moi de bâtard. J'ai dû fêter mes 20 ans avec 3 bouteilles de bar star. Le spot pousse ce soir, qui est le king d'entrée. Les murs sont réservés comme des places de parking. Mais qui peut comprendre la mène pleine? Que type pas bouffe, frappe sec, poussé par la haine. Et qu'on ne n'est pas programmé pour faire un foin. Je pense pas à demain, parce que demain c'est loin. Planète Rap, la nocturne. C'est pour ma famille. On sait d'où on vient sans savoir où on va. Avoir l'état de sérieux et la révolution. On se demande sincèrement à quand les mettre la révolution. Et du coup, si je pose autant de questions, c'est que j'ai pas les solutions. Que faire quand y'a rien à la clé de nos bonnes résolutions? Ça peut plus durer, combien se le seront jurés? Pour finir sous une pierre tombale ou devant les jurés. Dommage qu'il n'y ait pas toujours de récompense à nos efforts. Qu'à la moindre erreur, la justice nous fasse payer le prix fort. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, les moyens du bord. Mais la devise reste sauf ce qui peut encore l'être, femme et gosse d'abord. Je pleure pas sur mon sort, y'a pire que moi. À l'heure où tu m'écoutes, au-dessus de ta tête, t'as peut-être plus de toi. Mon job n'est pas de morcir ce tableau. De toute façon, c'est pas de ma faute si la misère meurt le pire des fléaux. On cherche pas à s'enrichir sur les malheurs des autres. Toutes les vérités sont bonnes à dire et même les nôtres. Au cours d'une vie, y'a tout un tas de trucs qui s'oublient pas. Dès le décès de ton gosse avant qu'il puisse faire ses premiers pas. Ses premiers pas. Notre issue finale, seul l'avenir le dira. Du seul c'est comment ça se finira ou négociera. Mystère et suspense, soit on colle, soit on bends. Neuve a fondé une famille au top ou a laissé une femme veuve. Et toute une flopée de petits sats derrière. La vie tient à peu de choses, cette phase pourrait être ma dernière. Quand je quitte mes gars, qui dit que je vais les revoir. Je suis pas à l'abri de la bavure du mec qui me dit faire son devoir. De ou d'une fan qui aurait pété les plans. Voudrait me buter comme John Lennon, Martin Luther ou Malcolm. Tout n'est qu'incertitude, c'est l'embrouille. Dur de voir clair au milieu de ces turpitudes. Dédié à ceux et celles qui mènent des vies tiennent ou tiennent. je rapporte la mienne et t'as l'impression que je raconte la tienne. C'est l'effet FF, des gars plus fake nature. Ce côté pied sur terre et à la fois immature. Quand je plane comme Bob Marley, je sais plus si c'est moi ou la route qui est en train de parler. Je compte plus voir la vie réaliser mes vœux, mais si je crève, j'aurais vu naître leur série volume 1. Et si Dieu veut, sur ce, avant de dire au revoir à jamais, j'ai sûrement tout un tas de trucs à connaître, des preuves à surmonter. Peu importe, tant que les miens sont à mes côtés, je ferai peut-être partie de ceux sur qui il faudra compter. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Peu importe la manière, forte ou douce, chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'ils dégagent. Puiser leur force dans l'amour, la haine, la peine ou la rage. Il fallait que je maîtrise les mots pour me défendre, car ce sont des munitions. Si t'as pas les mots, t'es baisé. Fallait que je brûle mes illusions. Fallait bien que je crie aussi, c'est ça le drame. On t'écoute quand tu fais du bruit, que tu casses ou que tu pointes une arme. La mienne est Mike, tu filmes la vie comme Spike. Fume la nuit non-stop. Fallait que je décompresse, non de code donne. Tcho, fallait que je le dise, oh, fallait que je vise. On avait allumé un feu, fallait que je l'attise. Fallait que j'ai un but, fallait que je fasse mon truc, y'a pas de magie. Même si je parle au passé, c'est du futur qu'il s'agit. Il fallait pas que je sois trop feignant, car je ne suis pas né dans la soie. Fallait que j'y croie et pas en plaignant. Mon prénom c'est François, le régnant sur rien. Fallait bien que je parte, fallait que je revienne les mêmes plaines. Fait, fallait que je le marque, fallait qu'on vienne et qu'on démontre à n'importe quel endroit que ce soit. Fallait que tu viennes à notre rencontre, peu importe quand, peut-être ce soir. Fallait qu'on garde espoir, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Fallait qu'on soit sincère, pas dire tout ce qui pouvait plaire. Fallait que je défende mon avis, mon corps, mon humour, ma famille, mes amis, jusqu'à la mort, mon amour. Il le fallait, et tant mieux s'il le fallait bien. Je reste anxieux, ne croyez pas que pour moi tout allait bien. Tapez main 5, mais pas dans les yeux si vous me recevez bien. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Peu importe la manière, forte ou douce, chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'ils dégagent. Puiser leur force dans l'amour, la haine, la peine ou la rage. Sommes-nous faux, vrais, à ton avis, bon ou mauvais? Demande à ton ami, peut-être qu'il nous connaît. Entre le bien et le mal, on navigue. On se dit que tout est écrit et que c'est la vie, quoi qu'il arrive. Le système abîme les nôtres, donc la haine les anime. Et c'est normal si tu la ressens lorsqu'on rime. Certains trouvent incompréhensible, normal, ce n'est pas eux les cibles. Au tribunal, c'est jamais leur nom qu'on cite. Ils n'ont jamais eu besoin de voler pour vivre ou connaître le mal-être. À cause d'une vie sans équilibre, ou se droguer pour se sentir libre, ou se mettre ivre pour oublier le combat qui se livre. Tout ce que je raconte est minime. Je suis ni un caïd, ni un saint, ni à croire la cocaïne. Je suis simple comme mes frères et les tiens sans rire. Et je sais qu'on nourrit tous le mal et fait la grève de la faim au bien comme à Ibrahim. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où on emmerde le système, de là où les rues craignent, de là où la haine imprègne, de là où les gens freignent, de là où le bien et le mal règne. Bref, je vois que c'est les mêmes histoires chez les riches et les pauvres. Deal de shit et de gaves et de jeunes qui se gâchent. Dans certains cas, c'est un gag. Prenez des parts en place ou pas, c'est leur ego connard. Et là, y'a plus de blanc et de nègre. Tu perds Mikara, celui qui roule en cabriolet. C'est le même dégoût quand c'est ta chair qui vient te cambrioler. Ou meurt une seringue au bras et complètement isolé. Ça me rend fou de les voir s'abîmer et en être désolé. On a tous des ambitions différentes. Respectons nos différences. Dans nos rues, peu ont les bonnes références. Conséquence, c'est la merde et on s'y accommode. On vit sur les nerfs et y'a plus rien de commode. C'est les sous qui tiennent les commandes. Pourquoi jouer le voyou quand t'as tout ce que tu demandes? Chez nous y'a pas de secret, le pognon régit tout. Les jeux sont faits et en fin de course ils nous désunit tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Peu importe la manière, forte ou douce, chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'ils dégagent. Puiser leur force dans l'amour, la haine, la peine ou la rage. Savoir où on va. La planète rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. Mama Lova. Lova, Lova. 1, 2. What you gonna do? Mama Lova. Lova, Lova. 1, 2. What you gonna do? Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison? Souvent beaucoup de mots m'a élevé, seul fidèle au poste, pour ces gosses peut même faire l'aumône. Tu peux bien zouker, être plein de flou, bête ou même fou, jouer les beaux mais qui t'a le plus roué de coups. Dans le but de faire quelqu'un de bien unique, qu'un inconnu évite de dire celui-là on nique. Elle m'a appris certaines choses de la vie, la rue reste, ne pas se presser, taf, ne jamais se laisser test. Trop difficile d'être paumé, ici bosser un fils en tôle que le système s'efforce à gommer. A tous les lascars, pauvres, riches, dédicaces, une bise sur les joues de maman, j'ai prince. Toutes les mères de Scarla, où que ce soit, de Ouaga, nous au fin fond du pays, ou pour toutes de fou, où que ce soit de Wanga, Goubou, au fin fond du Pérou, pour toutes les mères de Scala, où que ce soit de Wanga, Goubou, au fin fond du Pérou, autant de love à tous les gosses, assis sur son trône, pose une couronne de rose sur son dos. Grandir, sans peur c'est dur, même si la mère persévère, ça sert mais pas à trouver ses repères, c'est sûr. Perdre sa mère c'est pire, le mandat plus t'assure, t'as pas saisi, enlève la merde de la Côte d'Azur. J'dis qu'il faut profiter de sa présence tant qu'elle est là, plutôt tard s'attraper en larmes sur la puissance. C'est pas facile à dire, l'amour est à ce prix là, car rien n'est éternel, la vie te l'a pris hélas. Les ex-hobbies, les sex-phobies, faut dire, ça inquiète la mama, donc j'ai cessé. Car même le dernier des meurtriers à sa mère pour pleurer, crier son affection sans question. Faux, ce soir tu ranges ton gun, laisse ton shit, range les dangers, les risques, car avant d'être un Scarla, qui sont faits pour toutes les mères de Scarla, où que ce soit de Wanga, Goubou, au fin fond du Pérou, pour toutes les mères de fou, où que ce soit de Wanga, Goubou, au fin fond du Pérou, pour toutes les mères de Scarla, où que ce soit de Wanga, Goubou, au fin fond du Pérou. Love à tous les gosses, assis sur son trône, pose une couronne de rose sur son dos. Monte un cigare, Monte Cristo, esprit ténébreux, Christ esprit halogène, le micro j'ai la rime lacrymogène. Aimer sa mère, plus que chaque chose mon pose. Le père à gauche, blanche de ses sous-douze pour cause. Il est là, t'es vaut rien, t'as dit mon dis si tu réussis. Oh là là, tu reviens, son fiston, son fils, puisqu'on y est. Dis aussi que t'as donné le sein, vas-y mets le son, ai-je tort lors de mes speeches. Mes compliments si t'en as deux, moi j'en ai qu'une maman. Je lui fais ses courses quand elle veut, même si ça me saoule pas un moment. Je serai là, t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Y'a que ta copine pour te dire des choses si stupides, fillette, ose te dire plus fidèle que ma mère sur ma vie. Je vais te faire couper tes mèches, pony, pose ta main sur ton poumon, puis ton cœur, tout, tout, comme ça marche, tout te prouve qu'elle vit en fait pour toutes les mères de Scarla, où que ce soit de Wanga, Goubou, au fin fond du Pérou, pour toutes les mères de fou, où que ce soit de Wanga, Goubou, au fin fond du Pérou, pour toutes les mères de Scarla, où que ce soit de Wanga, Goubou, au fin fond du Pérou. Autant de love à tous les gosses, assis sur son trône, je pose une couronne de rose sur son dos. Mama Lover, Oxmo Puccino, au club des millionnaires. Mama Lover, le 19 Nabu Place, Time Bomb, côté obscur, I am Vizla, rue Corse. Mama Lover, à toutes les mères du monde, à la mienne avant tout. Mama Lover, Oxmo Puccino, Black Mafioso, club des millionnaires. Mama Lover, hein, Marseille, 9-7 avec Paris. Mama Lover. Okay. Yops. Mama Lover. Planète Rap. 100% rap. Patrick Devers me droguait aux aspirines façon Marilyn. Oh.

Nos lettres, photographies des instants, deviendront des témoins chantant le passé au présent. Un piano, une voix, tu vois, l'art des pauvres n'a besoin que de ça. Je rappe à la force des mots, sans artifice. Moi, c'est à force de mots que je suis artiste. Je pratique un art triste, tristement célèbre, car c'est à travers nos disques que la voix du ghetto s'élève. Le rap est un art prolétaire, alors les minorités y sont majoritaires. Mais comme tout art, je pense que le rap transcende les différences, rassemble les cœurs avant les corps, faisant des corps des décors, mettant les cœurs en accord. J'écrivais mieux que Lionel Florence, issu de la deuxième France. J'attends encore ma première chance. Pardonne mon arrogance, mais ils condamnent mon art au silence. Pendant que je pleure, mes potes ont terminé leur dernière danse. Alors oui, je suis poète dans le cercle des disparus, à l'ombre du show business. Mon art vient de la rue. Mon art est une pierre précieuse qu'on a recouverte de ciment, que seul peut faire fondre les sentiments. Mon art est engagé, mon art a un sens, mon art a une opinion. Mon art est intense, mon art ne s'excuse pas s'il vous gêne, car il apaise nos cœurs, c'est le cri des indigènes. Oh que j'aime la langue de Molière, je suis à fleur de mots, tu sais, il y a une âme derrière ma couleur de peau. Et si je pratique un art triste, c'est que mon cœur est une éponge. On est rappeur et artiste, même si ça vous dérange. À l'ombre du show business, l'ombre du show business, j'écris des poésies de larmes, des pluies de pleurs. Ils veulent tuer mon art, mais mes œuvres demeurent. À l'ombre du show business, mes vers sont des éclats qui rayonnent sur les cœurs. C'est pas grave s'ils m'écartent, j'ai grandi sur du verglas où chaque chute peut être fatale. Dans le ballet des balles, dans le dialogue du métal, la France nous a mis de côté. Je l'ai écrit, ce qu'on ressent quand on est rejeté, sans pudeur je l'ai décrit. T'es fou toi, ça fait 20 ans qu'on chante la banlieue, 20 ans qu'ils décrit nos écrits en haut lieu, 20 ans qu'ils étouffent nos cris, qu'ils transcrivent les crispations des cœurs en crise et les conditions de vie de nos frères en prison. 20 ans qu'on ouvre des fenêtres sur des avenirs sans horizon. 20 ans qu'on pose nos mains sur des plaies ouvertes qui saignent le rejet, car l'égalité des chances n'est qu'un projet. À l'ombre du show business, show business, à l'ombre du show business, à l'ombre du show business, à l'ombre du show business. Faut être optimiste, mon frère. Tous les grands mouvements ont souffert. Les poètes sont morts de faim à l'ombre du show business. Aujourd'hui, ce serait peut-être même plus facile. Les portes sont fermées, verrouillées, mais elles s'ouvrent petit à petit. Et plus tu y croiras, plus tu pourras, plus tu réussiras à l'ombre du show business. Aujourd'hui, ce sera peut-être plus simple parce qu'il y a toute une jeunesse qui te suit, mon frère. À l'ombre du show business, le soleil peut se lever. Planète Rap. 100% Explicit Lyrics. C'est un son de Paname. Parce qu'on aime ça. Parce qu'on aime ça. Content. Parce qu'on aime ça. Parce qu'on aime ça. Content. Parce qu'on aime ça. ça c'est du rap de Titi parisien. Et niveau texte, on est les baisses en fausse modestie. Regarde-moi bien dans les yeux quand je te serre la main avant qu'on chasse pour se mettre en mode escrime. Ça c'est du rap de Titi parisien. À l'écriture, trop riche pour ces pauvres d'esprit. Ouais, trop de cuites de biture. J'mène la vie des piqûres, sans garrot ni piqûre. Yeah. Titi parisien, pas gros minet. Robinet qui verse direct du whisky pur. Gros bonnet, grosse pointure. Avec un schlass à la ceinture, comme un Tunisien, gominé à l'huile de friture. J'aime Paris, ses tristes figures, les braquages en ombre, les fuites en voiture, les démarrages en trompe. C'est pour les frères à l'ombre qui tournent à la santé, gringo, les meufs en terrasse qui tournent à la sans pellegrino. C'est pour les nignos, LVO, 7K de la Scredco, Red Bass sous la skate, can, Nemo dans la quête po. Personne m'impressionne, je suis le maître du no stress. Je suis venu redonner au rap ses lettres de Mocles. Ça c'est du rap de Titi parisien. Avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Parisien, tête de chien. Ouais mais Paris go, bête de feu. PSG sur le maillot comme Paris 7 Keiko. Yeah. Parisien Titi, Paris parisien Titi. Tu parles qu'en kilo, t'es dans l'arrivage timide. Bon appétit, le king est de retour, c'est le jour J. Avant de rapper, tu critiques. Bâtir une pyramide n'est qu'un aperçu de tracé dans la vie, sans faire mal à personne. Donne-moi un pistolet à fleurs, je vais tuer le temps. Ils ont gardé le corps, ils ont plus de méthode. Ce son, c'est pour les clients et les chauffeurs de VTC. Ça roule mal, ferme les yeux si t'es pressé. À vos marques, neck, feu. Rue de la Roquette le soir, les soulards refont la prise de la Bastille. Les fils en culotte se soulagent sous l'emprise de la pastille. J'suis pas né dans le 16, moi j'étais jeune et con comme 16. Gros, j'suis né à midi, j'avais déjà les crocs. Pour un inconnu, j'fais pas de chrome. J'réfléchis avant de bouger, mais j'hésite jamais à lâcher un croc. Même si c'est la dernière bouchée, être un artiste de renom n'étouffe pas le blues en moi. Et blues en large, me sens comme Renaud. Mentalité blouson noir, le rap de Paris intramuros claque. Tu peux pas te lasser, loin d'être un bureaucrate. Dans mon crâne, des affaires mal classées. Trop de doutes et tout le matelas, c'est beaucoup de schlag, merde, les coups de schlass, merde, toutes les doutes, tout le matelas, j'ai besoin d'air, j'ai jamais vu la chair battre là. Si ici je pose un genou à terre, c'est pour refaire les fatlas, c'est de mes cortes, ils veulent qu'on descende, on fuck tes sentences, qu'on descende, c'est le bordel, faut qu'on s'étende, qu'on descende, mais ça risque de déborder, rien de plus diviser mes potes, et je marche avec descendant d'esclaves, petit fils de déporté, ex-colonisé. Entre temps, je manœuvre mon label, est-ce que l'odyssée que j'entreprends vaut vraiment la peine, c'est tout. Ça c'est du rap de Titi parisien. Avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Parisien, tête de chien. Ouais mais Paris go, bête de flow. PSG sur le maillot comme Paris 7 Keiko. Parisien, Parisien, bien Titi parisien. Parisien, parisien, parisien, parisien, parisien, parisien, parisien, parisien, parisien, parisien, parisien, parisien, parisien, parisien. Are you ready? Music non-stop. Number one radio station.